La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. Oui, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec nous. Prions la prière est une puissance. La prière est la solution. Oui, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde maintenant. Ayant foi dans ta parole écrite, toutes les promesses que tu as faites, leur infaillibilité, leur toute puissance, car par ta parole tu as tout créé, et tout subsiste par la parole. Tout ce qu'il y aura, ça viendra de ta parole. Tout ce qui se produira, arrivera à la terre et au ciel, c'est ta parole qui les dit, qui l'ordonnera. Laisse maintenant, Seigneur, que ton esprit vienne communier avec nous dans ces moments de communion divine où chacun de nous vient chercher ta face, viens accomplir ta volonté, viens chercher à te plaire, faire de son mieux pour être en ordre avec Dieu. Agrée notre culte de ce soir, le sacrifice de nous-mêmes. Étends ta main puissante et manifeste ta bonté encore une fois pour que l'évangile agisse en nous. Nous ne voulons pas être ceux d'esprit, mais nous voulons être ceux que le Saint-Esprit fait agir. Que ta volonté soit faite ici-bas, à travers nos personnes, nos familles, notre Église. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Par toi, notre Dieu qui est au ciel, et tu fais tout ce que tu veux. Nous ne sommes pas là pour te conduire. Nous ne sommes pas ici pour t'enseigner ni te dire quoi faire, mais nous sommes ici comme des disciples pour apprendre de toi quoi faire et que toi tu agisses par notre canal. Prends en main chacun de nos seigneurs et change notre conception des choses. Que toute mentalité païenne soit écartée du chemin. Que tout comportement d'incrédulité soit anéanti dans nos vies, Seigneur. Que la gloire du Seigneur que nous avions perdu par la vie du péché, que cette gloire de la Shekina soit restaurée. Rétablis notre spiritualité en profondeur pour que nous soyons des croyants exemplaires, ceux sur qui Christ peut compter, ceux avec qui Christ voudra marcher, qu'ils soient des hommes et des femmes de confiance. Exauce notre prière au nom de Jésus-Christ. Montre-toi miséricordieux, collaborant, coopératif, agissant, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions et croyons ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 12e, le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Bobongi santete malamu mpe, mbuma na yango ikojala malamu. Sokwete bobongi santete mabe mpe, mbuma na yango ikojala mabe. Zambi njete, ikoyeba na pona mbuma na yango. Somme, chapitre 1er. Lengo Verset 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Efengo ezali na moto oyo aboyi kobila toli na bato mabe, oyo atelemi na nzela na bato basumu te, oyo avandi esika moko na batoli te, kasi posa na ye ezali kati na moboko na Yawe, akokanisaka mpe moboko na ye butu na moyi, ezali lokola nzete oyo ekonami penepene na bitima na mayi, oyo ekobotaka mbuma na yango na tango ekoki. Tasana yango ikokaukate, yonso akosala ye ibongi. Il n'en est pas ici de méchants, et elles sont comme la paille que le vent dissipa. Batomade bajali bongote, kasi bajali lokola mputulu oyo epanzani na mopepe. En Pierre chapitre 1, Kandali boso ya Petro, ukapali boso, nous prenons le verset 8 à 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Na esengo eleki maloba mpe etondi na nkembo. Awa ezali bino kozwa suka na kondima na bino, yango lobiko na molimo na bino. Kadio benisa la lecture de sa sainte parole. Zambi ya pambola botengele bwana mosantu. Veuillez vous asseoir au nom merveilleux, miraculeux de Jésus-Christ. Le nom de vie et le nom du salut. Bombo ya bomo ite ya lobiko. Le nom de gloire et le nom de victoire. Bombo ya kembo. Le nom d'action et le nom de miracle. Bombo ya misala pia misala na nguya penda. Merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous prêtons la plus grande confiance. Et pas une apôme de Zalikoté là, motema. La confiance la plus profonde de nos cœurs. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Pour une méditation sacrée ce soir. Relative au salut de Dieu toujours. Parce que par la grâce de Dieu depuis dimanche, voyez, nous tournons autour du salut de Dieu. La méditation de dimanche était reçoit le salut de Dieu maintenant, sans tarder. Mercredi, nous sommes revenus sur la même pensée. Mais, en n'insistant pas trop sur le retard, mais sur la négligence. Reçoit le salut de Dieu maintenant, sans négliger. Dimanche, sans tarder. Mais l'insistance, c'est que tu dois recevoir le salut de Dieu maintenant. Pendant que tu en as l'occasion aujourd'hui. Sans vouloir reporter à demain, c'est que tu dois maintenant. Donc, nous devons racheter chaque minute, chaque heure. Au Seigneur, dans l'humilité. Continuer à nous briser davantage. À mourir à nous-mêmes. À faire disparaître les traces du vieil homme. Tout cela avec Dieu, c'est possible. Et nous avons vu comment Dieu avait aveuglé ses propres enfants. Mercredi, on l'a illustré. Hier, nous y sommes revenus dans la continuité de cette méditation sur « Reçois le salut de Dieu maintenant ». Le salut de Dieu qu'il a envoyé au païens. Et il est prévu dans la parole. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 25, verset 28. Et cela a été dit avec assurance aux Juifs. Donc certains croyaient et les autres continuent à douter. Paul leur a dit clairement, après avoir récité les prophéties qui s'accomplissaient en son temps, les Israël était devenu un peuple aveugle qui avait les yeux, un peuple sourd mais qui avait les oreilles, et dont le cœur était endurci sciemment, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils se convertissent et que lui ne les sauve ni ne les guérisse. Et il a fait ça aux Juifs. Peuple appelle son nom pour donner à toi et à moi une chance, un temps d'être sauvé. Grâce d'expérimenter son salut. De manger et boire cela. Effectivement, Dieu est très bon. Quand nous considérons tout ça, Dieu est très bon. Et après qu'eux aient démontré toutes leurs incrédulités, leur endurcissement de cœur, leur cécité spirituelle, leur surdité spirituelle, et l'endurcissement de leur cœur, ils se sont fermés la porte du salut. Alors Paul a dit clairement, sachez que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront, ils l'entendront. Nous sommes ici pour confirmer la parole par ma présence. Je confirme que ce que Dieu avait prévu est vrai. Jésus ici, c'est parce que ce salut nous a été envoyé. Nous, les gens des nations, nous vivons, nous Israélites. Le salut nous a été effectivement envoyé. Et je prêche ce soir parce que j'en suis un croyant. Quelqu'un qui a entendu ce salut de Dieu, qui a cru, qui a reçu la grâce salutaire, et qui a reçu la grâce salutaire de Dieu, qui a reçu le salut de Dieu, et qui soit né de nouveau, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit pour devenir un fils de Dieu. Et ça que je suis devenu, je veux que toi aussi tu le deviennes. Je veux pour que chacun de nous le devienne. Et nous aussi entendre le salut de Dieu, qu'il reçoive la grâce salutaire et qu'il reçoive le salut de Dieu. Au point de naître de nouveau. Amen, amen, amen, amen. Et puis recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous aimons la manière de Dieu de faire les choses là. Le salut que nous a envoyé n'est pas un salut stérile. C'est un salut joyeux et merveilleux. Dans les sermons ainsi par signe. Jean-Baptiste était un signe. Après 400 ans sans prophète, Jean-Baptiste était un signe de la venue du Messie. Et le peuple d'Israël, peuple appelé du nom de Dieu, a dépassé 400 ans, 400 siècles, depuis le dernier prophète Malachi, tant qu'il y a un prophète parmi eux. Et le prochain prophète que Dieu suscita, c'était Jean le baptiseur. Jean le baptiseur était un signe. Un signe de la venue du Messie. Jean a annoncé qu'il viendrait. Alors quand est-il arrivé, la race juive fut retranchée de l'arbre d'Israël. Voilà la situation. Kambo. Cet olivier naturel dont on a déjà parlé mercredi. Et nous, l'olivier sauvage, qui n'avions ni espérance, ni droit de cité, ni promesse en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Mais, sauvage par nature, mais Dieu nous a repêchés. Dieu s'est approché de nous. Il nous a envoyé ce salut. Avec un programme que nous l'entendrons. Vous qui écoutez l'évangile, entend le salut de Dieu. Approche-toi du Seigneur ton Dieu. Reçois la grâce du salut divin. Expérimente le salut humain. Sois sauvé par la foi. Amen. Sois sauvé par la foi. Reçois la nouvelle naissance. C'est une expérience venant de Dieu, surnaturelle et durable. Reçois le baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience bien définie. La puissance de résurrection s'empare de vous pour vous mettre en action, pour vous faire agir, et non pas pour vous amener à faire agir Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui faisons agir Dieu, parce que Dieu n'est pas notre garçon de course. Nous sommes ceux qui nous abandonnons entre chemins pour que lui, Dieu, agisse par nous. C'est celui qui entend et s'amène. Alléluia. La race juive fut retranchée de l'arbre du salut. Là où les juifs ont été retranchés, c'est là que le Dieu de miséricorde est venu se greffer. Combien il est bon. Là où la race juive a été retranchée, c'est exactement là que toi, homme et femme des nations, greffé pour que tu reçoives la vie qui vient de la souche. La vie qui vient du tron. Le tron même du salut. Et ce tron du salut, c'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il était le cep et que nous les humains nous étions les serments. Nous sommes les branches de l'arbre qui produit. Nous sommes les branches de l'arbre qui produit le salut. Louange à Jésus-Christ. La race juive fut retranchée. C'est l'arbre du salut. L'arbre qui donne le salut. Je l'ai dit en passant, Jésus-Christ est l'unique arbre du salut. J'avais cité Acte 4, verset 12. Car il y a des saluts à aucun autre. Il y a des saluts à aucun autre. Parce que sur le ciel, il n'y a aucun autre nom. Il est donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. L'unique nom, c'est Jésus-Christ. C'est Amen pour l'éternité. L'unique salut de Dieu, c'est lui. Que Siméon d'autres fois avait vu. Et il a béni Dieu. Maintenant, Seigneur, ton serviteur allait en paix. Car je vis ton salut. Le salut de Dieu. C'était l'enfant Jésus-Christ. C'était le Fils de Dieu qui est le salut du monde. C'était le salut pour ton âme. La race juive fut retranchée de l'arbre du salut. Et Jean était l'annonce de la venue du jugement. Dieu utilise toujours des prophètes. Comme ces signes. Eh bien, n'oubliez pas cela. Quand vous voyez un prophète venir dans un âge, et je crois qu'il nous en a été promis un, hein? Et je l'attends. C'est le 24 juin 1962. Dieu utilise toujours des prophètes comme ceci. Et n'oubliez pas, quand vous voyez un prophète venir dans un âge, et je crois qu'il nous en a été promis un, hein? Et je l'attends. Je l'attends. Quand Dieu voile la vérité. Et c'est ici que les falsificateurs qui veulent exercer la foi intellectuelle parmi nous viendront dire, mais voyez, frère Branham lui-même l'a gagné. Et en clair, il s'agit de moi. Il parlait de moi. Ces aventuriers viennent toujours comme ça. Ne les écoutez pas. Ici la pensée, c'est Dieu qui voit une vérité. Une vérité qui était en train de se réaliser. Mais elle est présentée comme si elle s'accomplira au futur. Mais l'homme là qui dit que je l'attends, c'était effectivement lui le premier. Lui là qui dit ici, il en a été promis un prophète. Et je l'attends. Mais c'est lui-même là qui est ce prophète. Amen. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Quand Jésus a reçu la délégation de Jean-Baptiste, il est venu lui demander s'il était celui qui devait venir, ou s'il devait en attendre un autre. Jésus ne l'a jamais dit, c'est moi. Ou je suis l'homme de ceci. Il a dit, asseyez-vous là-bas. Au même moment, il guérit plusieurs malades. Il ouvre les yeux des aveugles. Il ouvre les oreilles des sourds. Il fait marcher les paralytiques et les boiteux. Et puis il dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. C'est tout. Et celui Et si c'est lui qui doit venir, vous allez vous essayer là qui aïe, c'est lui qu'on attendait, vous devez nous attendre et nous. Allez rapporter ce que vous avez vu. Allez, bon, mais là, il revient aussi comme on a. Quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est la question. Alors, le prophète ici que lui attendait, mais c'est lui-même ce prophète. Il faut ôter les voiles de l'humilité d'un Dieu qui se cache dans la sémérité. Mais écoutez, ici Jean était le signe, l'annonce du jugement. Or, ce qu'était Jean pour son temps et le peuple de son temps, c'est ce qu'est aussi ce prophète promis du temps de la fin pour notre temps et le peuple de son temps. Il est une annonce d'un jugement imminent. Il y a un grand jugement qui vient, et avant que son jugement ne se déclenche, Dieu utilise ses prophètes. Il a utilisé ses prophètes en mettant son signe. Il l'a toujours fait. Et il était le signe de la venue du Messie. Quand vous voyez ce prophète en scène, c'est que la venue du Messie est très imminente. Le Messie sans promis attendu, bien vite. Béni soit le Seigneur. Nous avons calculé depuis il y a 48 heures, mercredi, nous avons calculé. Depuis 1933, quand ce prophète a été envoyé avec un message pour le monde entier, ça fait déjà combien d'années? 89 ans. Est-ce que ça va continuer indéfiniment? Bien sûr que non. La seule volonté. Recevons le salut de Dieu maintenant. Expérimentons le salut de Dieu pendant qu'il est temps de l'expérimenter. Quand après l'enlèvement de l'église des nations, plus personne ne va expérimenter le salut. La grâce sera retirée aux gens des nations. Le trône de Dieu deviendra pour nous le trône de Dieu. Oh miséricorde. Pendant qu'il est temps, profitons pendant qu'il est temps. Voyez, dit ce prophète, je crois que il nous en a été promis un et je l'attends. Et il est dit dans Malachie 4, Il est dit dans Malachie 4. Donc, en juin 1962, il continue à attendre. Apparemment, le prophète promis de Malachie 4. Ouais, dans un sens, l'humilité dans un autre, c'est aussi une vérité, parce que le ministère prophétique de William Branham jusqu'à cette date-ci n'avait pas encore complètement démarré. Tel que Dieu avait prévu que l'utilisant pour ouvrir les champs de la rédemption. Ce qui n'a eu lieu qu'une année après, en 1963. Alors, quand il dit qu'il l'attend, donc c'est son ministère-là qui devait venir. Où il devait mettre fin à l'œuvre d'un évangéliste. Et se concentrer absolument au ministère prophétique. À pleine mesure, en fait. Ça, c'est de 1963 à 1965. Avant cela, c'était les années préparatoires pour son ministère. Miséricorde. Ah, donc, la parole doit être comprise dans son contexte. Dans ses vrais aspects spirituels. Et quand vous lisez son message, vous avez grandement besoin de cette grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas vous perdre dans les explications des perdus. Ils ne comprennent ni les écritures, ni le message de l'homme. Cette catégorie de gens, il y en a plein sur ces terres. Méfiez-vous d'eux. Confiez-vous en Dieu seul. Amen. Amen. Alors, la race juive a été retranchée de l'arbre du salut. Nous avons dit que cet arbre du salut, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, il a dit au verset 1, je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voyez-vous le principe divin applicable tout le temps, même dans notre temps ici, même pour toi individuellement, pour toi église. N'oubliez pas ça. Nous avons détaillé mercredi, Israël a été retranché contrairement à sa nature pour cause d'incrédulité. Car l'incrédulité empêchera quiconque de produire les fruits que Dieu attendait. Je ne peux pas dire que tu sers Dieu, tu t'approches de Dieu, et tu aimerais volontairement incrédule. Dieu va observer et constater que l'arbre ne produit pas les fruits. Et comme Jean-Baptiste l'avait déjà annoncé, ah, c'est ça, le principe divin. Jean-Baptiste a eu à l'annoncer clairement. Prenons la parenthèse dans Matthieu chapitre 3. La même vérité dont Jésus parle là. Matthieu au chapitre 3 ici. La parole est très sérieuse et stricte. Matthieu 3 verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Les humains sont ici comparés à des arbres. Et il est dit que la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre. Toute personne, toute femme, toute fille, toute fille, Mais dans Jean 15, le Seigneur s'appelle lui-même le vrai Saint. Et le Père Céleste qui est le Saint-Esprit, il est le vigneron. Le vigneron. Le vigneron, c'est le travailleur qui travaille dans la vigne. C'est le cultivateur de la vigne. L'ouvrier qui taille, qui travaille la vigne pour la rendre capable de produire des fruits. Histoire que le champ enlève le mauvais herbe. Il découpe les épines et tout cela pour permettre à la vigne de produire de bons fruits. Alors, dans Jean 15, le Seigneur Jésus s'appelle le cep. D'ailleurs, le vrai cep. Mais son Père, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, Créateur, il est le vigneron. Et il ajoute ceci, tout salement. Donc, en complémentarité avec l'image prophétique où les humains sont comparés aux arbres, ils doivent produire les fruits. En complémentarité, le Seigneur considère dans Jean 15, non pas que le monde soit fait de plusieurs arbres, mais qu'il y a un seul arbre, le vrai. Un seul vrai cep, le tronc. Le tronc, il y a des branches qui sont appelées des sarments. Regardez, dans un sens, le monde est fait de plusieurs arbres. Et tous ces arbres, ce sont les humains. Même le psaume 1 que nous avons lu, parle de plusieurs arbres-là. Il y en a de différentes tailles, de différentes formes, et différents fruits que ces arbres produisent. Mais dans Jean 15, il y a un seul tronc, un seul cep. Avec la grosse racine pivotante ici au centre. Alors, Jésus-Christ, il est le vrai cep. Jésus-Christ, et son Père, il est le vigneron. Maintenant, sur ce seul cep, le seul qui puisse donner la vie à tout ce qui vit, le seul de qui tout dépend, le seul de qui toute vie dépend. Alors effectivement, c'est Dieu qui donne vie à tout ce qui a vie. Le seul qui donne vie à toutes ces choses, dans le naturel et dans le spirituel. Et donc, il est l'unique cep. Le vrai cep. Mais sur ce cep, il doit y avoir des branches. Voilà les branches. Une branche appelait-elle? Une autre appelait-elle? Il y en a plusieurs, différentes formes, de courtes et des géantes. Mais le fruit n'est pas porté ici sur le cep. Mais le cep produit le fruit à travers les branches. Alors, aux extrémités que vous avez le fruit. Voilà l'image que le Seigneur nous enseigne là-bas. Alors, tout sarment ou toute branche qui ne produit pas de fruits, le Père le retranche. Principe divin. Voilà, et la race juive a été retranchée du cep. pour cause d'incrédulité. Car avec l'incrédulité du cœur, nul ne pouvait produire le fruit que Dieu attendait. Alors, il a retranché la nation juive avec précision. Sommes-nous là? Et la même chose, Dieu peut le faire contre nous, les nations. Si nous ne produisons pas du bon fruit, voyez, et pour nous l'Église, l'arbre Église doit produire le salut de Dieu. Qui dit amen? C'est notre méditation de ce soir. L'arbre Église de Dieu doit produire le salut de Dieu. Il doit produire la vie de Dieu. Sans quoi, il sera retranché comme Israël. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas ici pour continuer indéfiniment. Mais il y a un temps marqué pour nous. Comprenons ça. Jean 15, verset 2. Tout seulement qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, tout seulement à qui j'ai donné l'occasion, à qui j'ai donné le temps de s'approcher de moi pour produire le fruit de Dieu, mais qui ne le fait pas sera rétroché. Dites amen. Dites amen. À titre individuel, mais aussi en tant que communauté, église, nous devons le faire. Sinon, l'avertissement du jugement est trop sérieux ici. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu qui le dit, c'est vraiment ça. Tout sanglant qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est un principe. C'est comme une loi de Dieu. Dieu ne va pas te garder improductif. Il y a un temps marqué pour tout. L'occasion que Dieu te donne, profite-la mieux. Achète le temps et fais du mieux que tu fais. Tout sanglant qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il ne doit pas consommer le temps des enfants de Dieu, il dit. Il ne doit pas distraire les enfants de Dieu, il dit. Il ne doit pas occuper les restes passés, il dit. Tout armes qui est dans le fils, il est connecté à Jésus-Christ, à l'obligation de résultat. Vous devez produire le salut. Vous devez produire la vie de Dieu. Vous devez produire la sainte de Dieu. Vous devez produire le changement. La nouvelle naissance. Le baptême de l'Esprit. La puissance de Dieu. On doit les voir recycler dans votre vie. Amen, amen et amen. Amen. Il n'y a pas d'acception des gens ici. Tout allemand à qui Christ donne l'occasion. Et toi, tu es un arbre, mais tu es aussi un arbre. Prie isolement, tu es un arbre. Je prie contextuellement, ta vie même presque dépend de quelqu'un. Ah, si. C'est du Père Céleste. C'est lui qui nous recevons la respiration. Le mouvement est une chose. C'est lui Dieu qui donne vie à toutes choses. Dans le naturel et le spirituel. Nous dépendons absolument de lui. Et nous devons produire la vie. La qualité de vie qu'il attend. Il doit le faire, frère. Il doit le faire, ma soeur. L'église doit le faire. Elle doit produire le salut. Elle doit produire la vie de lui. Elle doit produire la consécration. Elle doit produire la piété. Elle doit produire la ressemblance à Dieu. Amen, amen, amen, et pour ce jour. Amen. Oh, mettons-nous d'accord là. Voilà, c'est eux qui ont pas besoin de se dérober. Vous êtes un gars qui a mis il dit ça. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Voilà qui fait longtemps sans produire les fruits. Tu ne fais que comptabiliser les années dans l'église. Le nombre d'années ne fait qu'augmenter. Mais côté salut, c'est fiasco. Expérience salutaire, zéro. Nulle part. Mon ami. Tu es encore branché pour combien de temps? Pose-toi la question. Dieu va te brancher encore pour combien de temps? Parce que ton improductivité, ton infertilité spirituelle, est une raison valable pour amener Dieu à te retrancher à tout moment. À te déconnecter à tout instant. Ton improductivité. Ta stérilité spirituelle. Un motif valable et légal. À la loi de Dieu. Pour te déconnecter à tout instant. Mais pose-toi la question. Tu es encore branché. Tu peux encore ressentir la chaleur de Christ. Cet attouchement de l'évangile à l'intérieur de toi. Les effets, l'impact de la parole au-dedans de toi. Tu y es encore pour combien de temps? Dieu te fait. Peut-être que tu es en train de courir les derniers virages. Après quoi, l'évangile ne te fera plus rien, plus aucun effet spirituellement, aucun résultat que Dieu puisse agréer. Pourquoi tu resteras un formaliste? Tu vas t'habituer avec le message, habituer avec les discours des frères du message, les discours des sœurs du message, mais côté spirituel, il n'y aura plus aucun progrès. On va s'arrêter et t'arrives. Je ne veux pas que tu en arrives là. Mais je veux que Dieu te remplisse de vie. Et que toi, tu collabores mieux avec lui. C'est capital et salutaire. Il dit ceci. Deuxième partie du verset 2. Et tout sarment qui porte du fruit. Voilà la différence maintenant. Il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oh, quel privilège! C'est ainsi qu'avec Dieu, il faut quand même commencer. Dans les domaines salutaires, il te faut ne fût-ce qu'une expérience inaugurale. Il faut que tu en aies au moins une expérience. Amen. Amen. Et qu'ensuite tu t'avises à persévérer. Quelles sont les expériences salutaires? Mais pas le mariage. Amen. Vous dansez même pour ça, Aponingai. Mais tu finis où avec les Aponingai? C'est ta folle, Aponingai. Mais le mariage n'est pas une expérience salutaire. Le voyage à l'étranger. Pour ça, là, ou à l'intérieur du pays, oh, je n'ai jamais vu mon village natal. Ceux qui sont à l'intérieur disent, ils veulent voir l'Europe des hommes noirs, Kinshasa. Ils se sont amenés en matière avec le comportement villageois. Ils connaissent que sont devenus nos avenues. Les gens jettent les salités dans les caniveaux. Un seul comportement n'existait pas dans cette ville de Kinshasa. Il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Mais tous ces comportements sont venus d'où? La société ne fait que rétrograder. Pourquoi? Les villageois ont rempli Kinshasa. Et ils ont importé leur comportement villageois. Même dans les affaires. Et Kinshasa est devenu un grand village. Vous seriez peut-être en désaccord avec moi, hein? Non, non. Mais c'est un grand village. Et comme il y a un appelé la capitale de la RDC. Entendez derrière vous là. Qu'est-ce qui nous donne l'éclairage ici? Mais dans le temps, c'était au village qu'on avait ça. Là où la SNEL n'avait pas encore fait les installations. Et c'est lui qui avait ça, était vu comme un homme spécial. Et lui ne pelekait pas inaïe. Il est comme un notable là. Il est regarde vraiment avec réserve. Il peut me poursuivre et me mener la vie. Voyez maintenant là. Et observez à Kinshasa dans nos quartiers. Et typiquement la même mentalité presque. Dans mon quartier, nous sommes lignes tout. Il y a quelque part des lumières. Ah, il y a au moins un bon voisin en groupe. Et ça, c'est dans Kinshasa. Moutombongo. Et pas une. Mais ils ont fait les minions. Mais si la tienne courante. Bon, de l'estage, Banda Tongo, ton salé déjà 8 jours. Et l'autre côté, ton kédi kouna la bureau, ton salé bachitine, mais et botiri, rien. Les groupes, d'autres sont tombés en panne. Kinshasa est un grand village. Ne vous battez pas d'être quinois. Non, être quinois à cet instant, c'est une honte. Ils ont amen, j'en suis. Oh, maintenant vous êtes à Kinshasa, Kinshasa, quelqu'un doit vous dire ça ici. Voilà ce prédicateur campagnard, il est nostalgique de son village. Alors il est complexé, c'est pour ça maintenant, il trouve que nous sommes pas mieux que les qui sont toi. Vous comparez à cela. Je n'ai aucune nostalgie, mon ami. Allez là-bas, il n'y a pas de délestage. On avait du courant. Plus et interroger les villes, certaines villes de l'intérieur. Villes. Qu'on appellerait quand même petite ville. De l'intérieur de la RDC. Histoire de l'estage n'existe pas. Les solos, ils ont du courant. Et le bruit du groupe est rare. Un grand village s'est développé ici. Miséricorde. Mais revenons à notre sujet. Tout sarment qui est dans le cercle. Et qui porte du bon fruit. Le Père, le monde. Il les cercle. Il l'entretient. Il les travaille. Il l'améliore. Il les façonne. Il les vignole. Que le serment produise davantage. Et nous avons dit, avec Dieu, ayons ne fût-ce qu'une expérience salutaire. Comment tu es venu à l'église? La première expérience salutaire doit être la repentance. Bibliquement confirmé. Avec le fruit conforme à l'évangile. Repentance selon Dieu qui engendre le fruit digne de l'évangile. Digne de cette repentance. Un changement concret. Pas des utopies. Pas des imaginations. Il faut que tu aies ne fasse que ça. Et si tu t'es repenti, il y a également une expérience salutaire. Qui consiste à expérimenter le bonheur d'être pardonné par Dieu. Amen. Il y en a qui se sont repentis. Ils ont pleuré. Mais ils n'ont jamais expérimenté le bonheur d'être pardonné par Dieu. Quand l'Écriture dit, heureux celui à qui Dieu n'implique pas le péché. Heureux celui-là pour qui les iniquités ne sont pas éliminées. C'est une vraie joie ineffable que tous les pardonnés qui ne peuvent pas le Seigneur, je suis tant de charges. Amen. Tu te sens si souple, si déjà, amen. Vous allez comme ça faire pour les cas. Tu te sens acquitté. Vous allez comme ça faire la longueur de la tombe. L'expérience salutaire, Dieu la donne. Vous allez dire qu'il y a le goût pour faire la paix à Kango. Mais il y a des gens. Ils se sont répandus. Vous la verrez éprouver d'énormes difficultés pour pardonner à son semblable. Vous le verrez rancunier comme vous n'aurez pas l'idée. Conflictuel comme vous ne croirez pas. Pourquoi il s'est arrêté à mi-chemin? Il n'a pas progressé. Alors vous devez progresser. Quand Dieu vous permet d'expérimenter le bonheur, vous aurez la facilité de pardonner. Surtout à ceux qui vous ont offensé, même à vos ennemis jurés. C'est vraiment tout un témoignage. Mais ils n'ont pas persévéré. Ils ne les ont pas entretenus assez. À cause de la négligence. À cause de la paresse. À cause du suivisme de faux enseignements. Les faux enseignements ont un effet sorcellerique sur les âmes. Quand Dieu te donne l'occasion de te repentir, et qu'on vient de persévérer dans sa voie, si tu te mets à suivre n'importe quelle voie, parce que tu doutes religieusement, c'est pas grave, alors ta spiritualité séchera. Tes fruits maigriront. Pour ne plus exister. Et alors tu deviendras comparable à un stérile, à un chétif qui ne croit pas. Voilà. Le naturel typifie le spirituel. Un arbre peut germer. Si on ne l'arrose pas, va-t-il pas sécher? Et même les feuilles vertes qu'on voit, ne vont-elles pas donner? Il faut commencer. Mais il faut maintenir le cap. Vous devez persévérer. Car le Seigneur a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Pas celui qui s'arrête à l'instant. Pas celui qui fait demi-tour. Celui qui persévérera dans le chemin du salut jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. Amen. Nous aimons vraiment. 1 Pierre 1 nous l'a dit ici. Verset 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le prix de votre passe quoi? Un visa à l'étranger? Ou un visa à l'intérieur du pays? Ou un visa pour voir la capitale de... des Africains, des Noirs, les robes des Noirs, qui ne savent pas, ceux qui viennent au village ici. C'est pas ça le prix de votre foi. Le prix que Dieu attache à votre foi, c'est le salut de vos âmes. Vous dites, rien que ça, mais c'est ce que dit la Bible. Toi tu cherches quoi alors? Le mariage, un bon travail, un bon salaire, de bonnes relations qui peuvent nous dépanner comme nous les dépannons. Je dois vous dire loin de là. J'aimerais que nous comprenions ce qu'il y a ici. Dans les sons confis. Le paragraphe 67. Jésus, lorsqu'il est venu, ne pouvait même pas choisir quelqu'un parmi eux. Parmi les religieux de ce temps-là, comme c'est presque pareil maintenant. Il a pris des pécheurs, quelqu'un qui ne savait rien. Au travers duquel il pouvait montrer quelque chose. Oui, oui. Quand Jésus est venu dans ce monde religieux, prétentieux, arrogant, il pensait tenir la doctrine vraie. Il avait tout mélangé. Il n'avait pas la vraie chose. Il ne faisait que prétendre la voix. Et Jésus n'a pu prendre aucun de là. De ceux qui étaient considérés comme rabbi, comme conducteur. Aucun d'eux. Même Nicodème n'a sinon aucune fonction dans l'église. Il avait cru de nuit. Prenez l'histoire de l'église. Nicodème, le grand docteur. Il n'a été ni apôtre ni diacre dans l'église. Jésus, quand il est venu, trouvant cette religion, empêché et lourd de là. Organisé. Transcendel. Matérialiste même. Mais il n'a pu prendre aucun d'eux. Parce qu'ils étaient hors la voie. Dans 1 Timothée. Chapitre 4. Il est dit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit dit qu'il y aura une conception intellectuelle de l'Église. Dans les derniers jours, le Saint-Esprit nous prévient qu'il y aura une conception intellectuelle de l'Église. Même ce que les gens appellent l'Église aujourd'hui, c'est l'Église par définition intellectuelle. Et même quand les gens s'approchent du message, c'est par conception intellectuelle des choses. Ils lisent le message prêché par un primérien, mais avec la logique grammaticale de Molière. Ils veulent appliquer les règles de l'orthographe et de la phraséologie dans le message prêché par un primérien. Qui des circulants n'étaient même pas prêchés en français. Ils viennent exploiter le verbe avec la logique intellectuelle. Et des interprétations intellectuelles. Et même ce qu'on appelle l'église, c'est intellectuellement que c'est l'église. Or là, c'est la voie de l'égarement. L'église doit être l'église quand Dieu la considère comme église. Il veut une église selon sa parole, non pas selon l'intellect humain. Nous sommes prévenus que dans les derniers jours, il y aura une conception intellectuelle de l'église. Peut-être qu'il y en a certains parmi nous qui sont dedans dans ce monde. Quand il parle du tabernacle de Dieu en tant qu'église, suivant les considérations intellectuelles, il voit tout classiquement avec modernité. Qui vous a dit que dans l'église il y aurait la révolution de la modernité? On a décrété ça ici à Kinshasa. Et Kinshasa est devenu une grande poubelle. Des nids de poules presque partout. Et des macadam à usage unique. Avec les saints chrétiens. Voyez ça? C'est ce qu'ils ont fait ici. C'est toujours des histoires comme ça, des slogans morts. Frère, l'église doit être l'église selon l'entendement de Dieu et non selon la logique intellectuelle. Dans 1 Timothée chapitre 4, là, c'est ça. Nous sommes prévenus. Le Saint-Esprit dit qu'il y aura une conception intellectuelle de l'Église. C'est vrai. 1 Timothée chapitre 4 dit, le Saint-Esprit dit que dans les derniers jours, quels sont ces jours-ci? Les hommes seront emportés en plein d'orgueil. Il aima le plaisir plus que Dieu. Mais ils regarderont les églises. Pour ça, les gens vont faire comme ça. En plein d'orgueil. Emporté par n'importe quel discours, quelle philosophie. Mais le ministre Gabranem a dit, les voilà déjà tenté de croire aussi ça. Ensuite, quand on va dire, il n'y a pas d'autre voix qui parle de France, les voilà encore balottés pour commencer à dire oui. Il doit y avoir une vérité dedans. Le lendemain, il va entendre que Simon Guimango est sauveur des Noirs. Alors il va dire, non, les chrétiens nous cachent beaucoup de choses. Quelle est ta position après? Mais crois quoi précisément? Emporté par toute espèce de doctrine et de bon. Ils n'ont pas de position. Ils savent pas ce qu'ils croient. Ils cherchent toujours à connaître. Ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Et mal le plaisir plus que Dieu. Pour le plaisir, ils sont vraiment attentifs. Mais pour les choses de Dieu, ils sont là. Le plaisir très dévoué. Pour les choses de Dieu, très lourd. Pour la prière, pas ta bouffe. Mais quand c'est le jour d'anniversaire, on commence à alerter les gens, même trois jours, une semaine avant le jour d'anniversaire. Pour solliciter un mot gentil, un bon vœu, un souhait. Là, on y veille vraiment. On veille au jour d'anniversaire. Mais pour le royaume de Dieu, on oublie même le verset élémentaire. Il prône la nouvelle naissance. On ne sait pas ce que c'est qui. Là où il est dit, non. Chaque fois qu'on va poser la question, on va demander frère. On va expliquer. Pasteur, toi, prédicateur, du Père, même nouvelle chose. Vous évitez pour moi, là. Tu ne sais même pas où est-ce que c'est écrit. Vous évitez aussi gagner en vous allez. Là où Dieu t'oblige de naître d'eau et d'esprit. Et pas évoquer ça, mais à Timothée, vous êtes là, vous l'avez fait la maille. Et pour les choses du monde, on est dévoué. Qui connaît? Là où la Bible ordonne de naître d'eau et d'esprit. Pour entrer dans le royaume. C'est de lui. Entrez les lois qui connaissent. Vous voyez, l'esprit dit la vérité. Regardez-vous ici. En live, quand face à face, c'est quoi? Donc même là où il vous est ordonné de naître d'eau et d'esprit. Mais c'est pourtant la doctrine la plus importante du Seigneur. Maintenant, de ceux qui ont levé les doigts, Dieu sait qui connaît vraiment. Bah, oui, et qui ne connaît pas. Parce qu'on peut aussi lever les doigts et on ne connaît pas. Ce sont ces jours-ci. Les gens sont emportés. En plein d'orgueil. Et mal au plaisir plus que Dieu. Et c'est loyaux. Donc, c'est loyaux. Ils ne respectent pas les lois. Mais regardez le comportement des gens dans les avenues qui disent ça. Exactement l'écriture sur la miracle. On triche avec le code de la route. On ne respecte rien du tout là. Tous ces embouteillages monstres qu'on a maintenant tous ces derniers temps. Oh, il a dit les avenues. On en a élargi. Les grandes artères, ils l'enrichissaient. On l'a fait. Oh, le choix des moutons. Pour on l'a fait. Les problèmes, c'est le comportement des gens. L'indiscipline, l'incivisme routier. Le piéton ne respecte pas la loi routière. Les moutons, même chose. Les sentiments, n'en parlons pas. Même les transcos. Ici, il y a Kinshasa. Tous dans le bouillard. Personne n'est modèle ici. Motombo kota zalinga kitawa. Voyez frère. Kumuni. Et c'est triste. Hein? Zalimawa. Je vous dis vraiment triste. Le vélo vino penza mawa. Voilà ce qu'il y a. Voilà où zalim. Qui seront déloyaux. Ils connaissent le bien qui va tous s'habiller de côté. Les gens qui sont un homme loyal est un homme respectueux des lois. Motombo zalima la mawa motombo zalim kuto s'habiller. Les lois des hommes ici, on n'en respecte pas. Et maintenant, les lois de Dieu. Vous voyez pourquoi les églises sont dans les chaos? Elles tolèrent n'importe quoi. Ce que Dieu a interdit, eux, ils trouvent du plaisir. Ils sont déloyaux. Ils ne respectent pas les lois du Seigneur dans la maison. Dieu a dit, sortez des milliers de gens. Dieu a dit, séparez-vous. Mais on ne peut pas le faire. Ceux qui entendent bien, Dieu a dit, séparez-vous. Mais j'ai des charges là-bas. Je serai mal vu. Moi, je n'aime pas qu'on me dérange. Je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Toujours des prétextes pour ne pas obéir à la loi. Voilà ce que les hommes disent de la personne. Autrefois, c'était une honte pour des femmes d'aller se baigner avec des hommes. Aujourd'hui, c'est vraiment à la mode. On se filme même. Avec les smartphones, les téléphones Android. Ils vont là-bas. À la plage. Kuna na libanda ya baliwa. À la rive. Kuna na ngambo ya baliwa. À la source, à la rivière. Kuna na. Au fleuve, à l'océan. Kuna na mbuna ya visikanyo sana. Il se déshabille. Balongoli kutuna bilamba. Il reste un maillot de bain. Ya tele mbele lamba mokiwa ya kutuna. Kwa kwa soutien pour les femmes. Wana mbele ya lamba mokiwa na basi. Oui, na. Il se met à filmer ça. Bandite kwa sabirini kina yango. Pour envoyer dans le monde entier. Kuna kutini ya mokiwa mbimba. Et ils sont ensemble avec les hommes. Wazali nongona mibali. Balobi est Bacilla Sony, nation sans pideur. Mais il tolère ces choses et il les partage avec plaisir. C'est inconcevable. Mubali, il faut yoka, moi si Sony. Moi si il faut yoka, Mubali Sony. C'est ce qui est normal. Yango ande, lolenge, bongi. Si vous voyez un homme qui part donquer les fenêtres, les douches, pour voir les nudités des femmes, c'est un voyou. Il est voyou. Il veut contempler les nudités. C'est un voyou. Sa tête est malade. Êtes-vous là? Vous allez mais maintenant vous allez trouver d'autres filles. Quand elle découvre ça, elle va dans la légèreté pour dire, eh, vous venez gagner nini? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Mais vous êtes quel genre de fille, finalement? Vous direz, oh le pasteur David Kakana. Côté à Naïka Kaboul, Makabou, est-ce que ça raque? Moukolo Koukou, t'as un amoune, vous yéba. Vous voyez, vous allez se faire comme une macaque. N'a pas eu que Dieu nous aide seulement à les craindre. À pratiquer la parole dans la voie de la droiture. Il y a des filles qui ont la légèreté de caractère. Et c'est une honte. Aujourd'hui là, c'est venu à la mode, les hommes et les femmes vont se bénir ensemble. Hein? Nos pentecôtistes, assurément. Même les pentecôtistes. Ils parlent en langue. Ils dansent en langue. Des dents. Des royaux. Aime le plaisir plus que la parole. Aime le plaisir plus que le message. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Très bien. Des royaux. Calomniateurs. Intempérants. Ennemis des gens de bien. C'était des membres d'église. Ils allaient dans l'église. Observez ce qui est dit après. Et il y a l'apparence de la piété. C'était des pentecôtistes. Le Branham leur a pointé du doigt. Ils peuvent crier, sautiller, parler en langue, se couper les cheveux, porter des habits immoraux. Des habits qui ne reflètent pas la bonne morale ni la bonne éducation. Une fille bien éduquée n'exhibe pas ses parties intimes. Vous n'allez pas chercher à mettre quelque chose qui couvre juste au-dessus, comme une pelure. C'est de la mauvaise éducation. Wana ezali kuboko la mabé. Commencer c'est la mauvaise éducation. Amen. Pour la propaganda, kuboko la mandé mabé. Quand vous venez dans l'église, c'est la vie de l'incrédulité. Tango eta tine pièce, ezali pas mwa kosa. Vous êtes la parce que vous ne croyez pas l'évangile. Tango ngo pote ezali ko ndimi la sanga la mutie. Voilà la vérité. Tala kola ngwana. Et pour cause d'incrédulité, vous serez retranchés. Wana kuzanga kondiwa okolo la. Donne l'occasion le temps de porter. Tanga peto li pasu ya kutoka nguma. Si vous demeurez si ama incrédule. Je ne suis pas pour les répéter. Les prédicateurs passent outre. Et ordonne dans l'église des diacres avec 4 ou 5 femmes. Tout le reste. Des loyaux. Ils violent la parole avec plaisir. Ils sont des loyaux comme on dit la parole. Et tout est simplement argent et habits. Popularité et devenir le meilleur de la ville. Oui, ben la fin, on va faire un peu de temps. Le cercle social. Voilà, il y a des gens qui sont venus à Brévania Bato. Je sais que nos prédicateurs nous servent comme repas évangélique. Tout est quoi et quoi? Non, c'est d'aller une pénini. Tout est argent. Non, c'est d'aller une pénini. Et habit. Fais voilà tout. Si ce n'est pas l'argent sur lequel on insiste, ce sont les amis qu'on équilibre. Que l'on on a même des prédicateurs qui prêchaient les versets sur les masatons molachiens. Et il est démontré par l'exemple personnel. Un prédicateur des religions qui teignent. Il est avec une veste qui va jusqu'au niveau des genoux. Et on a mis au temple, tout rempli de lui-même. Avec un soulier là, dont la pointe monte comme ça. Et les talons, et ou comme les hauts talons. Et bien, les prédicateur. Prédicateur dans l'église. Et regardez les croyants. Même esprit. Ce qui bilambe, il va saliser à quoi l'église. Nana teye bongo prédicateur modernisé. Mais Jésus qui n'avait qu'une paire de sandales. Où est-ce qu'il a arrêté de servir le Seigneur à cause de ce qu'il possédait matériellement? Mes amis, les choses visibles sont passagères. Notre valeur n'est pas dans les habits. Notre valeur est dans le caractère. Amen. Soyons conformes à la parole. Mais tout est simplement argent et habits. Popularité et devenir le meilleur de la ville. Le cercle social. Parfois, le meilleur de la ville se trouve dans le quartier des pauvres. Parfois, le meilleur de la ville se trouve dans le quartier des pauvres. Mais avec Dieu. Des femmes ou des hommes honnêtes qui veulent servir Dieu. Les meilleurs de la ville. Et ils vivent dans les quartiers des pauvres. Ils n'appellent pas. Mais les stars et les vedettes de la télévision, les médias, font tout pour créer du buzz. Pour paraître et qu'on parle d'eux. Et paraître les meilleurs de la ville. Mais parfois les vrais meilleurs de la ville sont dans les quartiers de pauvres. Ils modestement leur petite vie. Mais des hommes qui ont à cœur de servir Dieu correctement. Voilà les meilleurs de la ville. Mais ils ne sont pas dans les célébrités là-bas. Hein? Ils sont pas dans les célébrités. Regardez le temps de la Bible. Une des meilleurs qui sont venus. Une des meilleures de la ville qui sont venues. C'était Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Pourquoi? De laquelle il avait chassé 7 démons. Voilà le meilleur de la ville. Au moins c'était sûr que tous les démons étaient vidés dedans. Vous pouvez aller faire des buzz dans les réseaux sociaux. Dans les médias non censurés et contrôlés. Faire parler de vous et vous votre message partout. Mais si vous avez des démons. Mais puisque deux démons résistants qui vivent en vous. Même si vous êtes une star, vous n'êtes pas le meilleur de la vie. Une des meilleures qui soit venues au temps de la vie. C'était Marie de Magdala. Elle avait reçu une expérience, une des expériences salutaires. Une délivrance totale. De toute invasion démoniaque. De toute habitation d'esprit de démons. Le Seigneur l'en avait délivré. Et il est le même qui nous sauve jusqu'à présent. Nous voulons produire le salut. Hein? Toi, tu es délivré de combien de démons? Par rapport à cette meilleure, la Marie de Magdala. Le nombre de démons qui l'a tourmenté, c'était ça. Et toi, tu connais le nombre de démons qui t'habitaient? Est-ce que tu t'en occupes même? La démonologie existe dans le domaine physique et dans le domaine religieux. Les deux messages nous ont été prêchés. Par William Branham, notre frère. Il a prêché aussi des esprits séducteurs. Démonologie, domaine physique. Avec le cas des maladies démoniaques. Démonologie, domaine religieux. Avec la propagation des doctrines mensongères. Des vents de doctrines faux. Et la tolérance des systèmes antichrist. Et il y a aussi les esprits séducteurs. Qui opèrent à travers les prophéties et les dons. On a même des dons qui opèrent grâce aux esprits de mais qui se déguise pour parler comme étant le Saint-Esprit. Ils opèrent parfois des miracles. Mais ce sont des esprits séducteurs. Vous ne devez pas vous laisser avoir comme ça. Oh, parce qu'il y a une prophétie. Vous allez comment révéler un secret de ma vie. Il y a des diamants qui travaillent. Amen. Et nous devons échapper à ces choses-là. En demeurant dans la voie du salut de Dieu. D'un pied ferme. Ne parlez pas. Ne courez pas à gauche à droite. Ne soyez pas emportés. Soyez affermis dans la foi. Voyez, une des meilleures qui soit venue au temps de la vie, c'était Marie Madeleine, de laquelle il avait chassé sept démons. Et nous commençons à devenir collés, montés, emportés. Ah, ici il y a des boutons. Vous allez vous montrer les collés, montés. Même dans l'église, au moins, frère, modèle, voilà. Peut-être dans nos assemblées, c'est rare à cause de la rigueur, tant soit peu. Mais des frères qui soulèvent le col, la chemise, le collet monté. On a tombé. Et emporté. Amen, ami. Nicolomoko, mon ami. Nicolomoko, l'imouenano. Après, mon ami. Après, on a cause de la Mati. Après, on a beaucoup. A quand la jamais, on a trois chemises. Et ça a toujours une dame courbée. Voilà, les gens qui seraient à la mort de soi-disant. C'est pourquoi nous perdons. Parce que nous prenons nos jeunes gens et nous leur donnons une instruction plutôt que les principes de la Bible. Okomi ko faire vibre bango na moalité ya moko boye moali la gisi moko boye yo moko ne oitidi ango na kati ya retraite bo sali de semaine ya retraite oyé nango avec trois versets ça vraiment bloqué et que tu répètes comme un perroquet yango kangilo ko la yango ne pali ki ba tsaka na eloko wana oh ya mukuse ka yango yo na mukuse Yesu nde mobiki si ata o sali na bolam ata o sali ba be e ko chercher nango eloko te to biki sami na misala bi sote Yesu de mon big ici. Pas la litière mon bimba, pas les gens en bas. Donc, au salabolam, au salamabe, ça ne changera rien. Yamutuya, yangoyo, Yesu de mon big ici. Et on garde cette personne en train de fumer la cigarette. Il peut aller boire les chambres. Il est des fois dans les grèves là-bas. Son prédicateur lui dit, au salamabe, au salabolam, votre big sami, la misère n'a pas sauté, et qu'on change rien. Il y a mon coussé, Dieu soudé mon big ici. Son gars, il y a mon big ici, au big en aïokak. Son gars, il y a mon big ici, attends au sali, au big en aïoté. Quel évangile vraiment? Voilà, ça m'a malheur. Au lieu de donner les principes de la Bible. On prend un petit bout là, et on s'approche à l'extrême avec ça, et on donne l'impression d'affermir les jeunes. Oh, bien, nous, on est là, on est là, mon frère, ma soeur, vraiment. Même si il faut tomber jusqu'à ce niveau-là. Donc, il est et puis, maintenant, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Vous le verrez quand ils doivent prêcher ces 5 minutes. Ah, moi, je ne sais pas comment ça me fait des cantines de papa. Il va se prêcher la Bible, moi, j'avais dit. Deux semaines, un mois, on est en train de lire le même verset et de répéter les mêmes phrases chaque soir pendant 5 minutes. Frère, soyons sérieux. Et toi-même qui vas dans des groupements comme ça, et qui vas fréquenter des milieux pareils, je pense que tu es moins sérieux. C'est vrai. Tu n'es pas digne de confiance pour comment. Si tu aimes ton âme, tu dois fréquenter les gens comme ça. Oh non, il faut les principes de la Bible. Il y en a beaucoup. Nous devons les apprendre. Nous ne voulons pas être bornés. Mais nous devons progresser. Vous êtes vous là? Oh, et dit, c'est pourquoi nous perdons. Parce que nous prenons nos jeunes gens et nous leur donnons une instruction plutôt que des principes de la Bible. Le salut de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi pendant ce grand réveil, quand on nous fait, les assemblées ont fait éclore un très grand groupe comme Oral Robert. Voyez, pendant ce réveil, les autres, l'église de Dieu, Billy Graham, les baptistes, et les autres, des milliers de gens. Mais où est cette église dont Christ a parlé? Où sont ces grandes puissances de Dieu? Il avait promis. Nous devons nous. Dans leur multiplicité, dans leur diversité, que j'avais évoqué hier en prêchant, dans l'exhortation, à l'occasion de la prière, hein, les puissances de Dieu, multiformes, dans leur diversité d'opérations, nous devons expérimenter chacune d'elles, car Dieu est le tout puissant, il est où est cette église dont il a parlé? Où sont ces grandes puissances qui manifestent diversement dans l'église? Nous y avons droit. Nous réclamons ça. Amen. Au point que, comme il est écrit dans le psaume 1, prenons le psaume 1, reprenons le psaume 1, tout le psaume 1. Rappelons le chapitre là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Oyo atelemi na nzela na bato na masumu te, oyo afandi esika na basoli te, kasi posa na ye ezali kati na moboko na Yawe, akokanisaka mpe moboko na ye butu na moyi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui est le bon arbre, la bonne espèce de Dieu? Par la semence de parole, il te donne l'identité de la foi. Louange à Jésus-Christ. Dieu veut te transformer par sa parole. Il te donne l'identité de croyant. Et tu produiras la bonne espèce de Dieu. Le fruit que Dieu attend. L'arbre église doit produire la vie de Dieu. Elle doit produire le salut de Dieu. Elle doit produire la piété et la sainteté. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Parce qu'il se distingue, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Toi, tu es sur quelle voie? Il y a la voie des justes, et il y a la voie des pécheurs. Tu marches sur quelle voie? Dieu connaît votre voie. Si vous êtes église selon Dieu, marchez dans la voie du salut de Dieu. Maintenez-vous d'un pied ferme dans la voie du salut de Dieu. Et si vous persévérez comme ça, alors les méchants ne peuvent pas résister au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Bako fanda, bako kima. Bako yaka, bako limwa. Bako yaka, bako kima. Il faut que nous soyons effectivement sur la voie de justice. Ne mélangeons jamais les deux voies. C'est le salut que nous poursuivons. C'est le monde auquel nous voulons nous plaire. Faisons un choix radical. Et Dieu nous bénira. Quand la semence de la parole pénètre à l'intérieur, donnez-lui l'occasion de se développer. Et elle deviendra l'arbre du salut de Dieu. Je lis quelque chose dans Jairus, le croyant en secret. Le 4 juin 1955. Jairus, le croyant en secret. 4 juin 1955, paragraphe 45. Mais écoutez, le moment était venu, un moment crucial, parce qu'il avait un besoin. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Lorsque vient le moment pour un besoin, lorsque la mort frappe à votre porte, et vous n'avez jamais goûté au baptême du Saint-Esprit, et que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, par la nouvelle naissance, vous pouvez vous en moquer maintenant. Mais lorsque viendra le besoin, cela importera peu pour vous qui vous... Pour vous qui vous tenez là à côté. Que vous soyez excommunié ou pas, vous irez vers Christ. Si vous avez marché correctement, si vous avez choisi correctement, vous irez vers Christ. Aussi sûr que 2 × 2 = 4. Les credos de votre église n'auront rien à faire à ce jour-là. Peu importe votre qualité de membre fidèle de votre église. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, voilà le problème et la condition. Cette petite étincelle, cette lumière de l'évangile que nous vous prêchons, que nous voulons vous voir recevoir en profondeur, cette petite étincelle vous amène à croire cela. Écoutez-la ce soir. Arrosez-la de la foi. Cette petite étincelle, cette lumière du soir, cet évangile clairement prêché, écoutez-la ce soir. Arrosez-la de la foi. Dieu fera croître cela pour vous jusqu'à ce que cela devienne un arbre de salut. Nous devons nous développer, non? Ne vous arrêtez pas à la repentance selon Dieu. Vous devez avancer jusqu'au pardon de Dieu. Et là, vous devez avancer jusqu'à la mort en vous-même. Et là, avancer encore jusqu'à naître de nouveau. Et de là, progresser jusqu'à recevoir le baptême. Et de là, croiser en maturité. Pour chercher la perfection. Ne t'arrête pas au mi-chemin, avance. Toutes les expériences salutaires, peu à peu, pas à pas, expérimentez-les jusqu'à la dernière, qui sera le changement de nos corps. Êtes-vous là? Vous allez là? Ce corps revêtiront l'immortalité. Et avant d'atteindre ce sommet-là, il nous faut ce changement intérieur. Il parle de la repentance de Salomon. Et qui débouche au saut, au baptême du Saint-Esprit. Vous devez transiter partout. Expérimenter la délivrance totale. Être libéré de tout esclavage du péché. Et de tout démon. Êtes-vous là? Être libéré du tout mauvais esprit. De la modernité et de fuir. De la ressemblance au monde. Soyez débarrassé. J'aimerais lire encore dans le véritable saut de Pâques que je termine là. Comment les gens ont mélangé tripoté dans la voie de Dieu. Le véritable saut de Pâques. Le 2 avril 1961. Le 98. À 104. Notre conclusion ce soir, Dieu est dans. Souvenez-vous, on a en quelque sorte tripoté. Et pris les choses à la légère. Et nous avons éloigné les gens de la voie de l'évangile. Et de l'histoire même. De ce qui doit se produire. En tripotant, en mélangeant, en prenant les choses à la légère. Les églises sont devenues des passoires de péchés. Des passoires de mondanité. Il n'y a plus de barrières. On a tripoté. Les conséquences, on a éloigné les gens de la voie de l'évangile. De la voie du salut de Dieu. De la voie de l'expérience authentique. De la voie qui mène au ciel. Et nous voici de nouveau confrontés à cela. Juste ici, dans cette nation. Et nous n'y pouvons rien. Et là, vous dites, très bien, pour quelle raison parlez-vous contre cela? Je ne peux pas du tout arrêter le péché. Ah. Je ne prétends pas arrêter le péché. Le péché continuera son chemin. Dominant ceux qui se laisseront dominer par lui. Et les poltrons qui sont le péché continuera à ramasser, Moi, je ne prétends pas l'arrêter. Il continuera son chemin. Il reçoit la vérité. Pour que celui qui la reçoit, cette vérité en lui stoppe le mal. Quant à lui, quant à sa vie. Car je n'ai point honte de l'évangile, et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand tu ne crois pas, c'est pas ma faute. Je serai coupable de ne savoir pas annoncer l'évangile. Mais si je te l'annonce quand même, je serai puni de ton sang. Mais quand tu l'entends, tu dois recevoir le pouvoir. C'est cela. Je ne peux pas du tout arrêter le péché. Mais je peux élever ma voix contre cela. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Contre le péché. Et contre ce qui n'est pas juste. Nous avons mal agi et nous allons récolter ce que nous avons semé exactement. Et quand vous amenez cela en plein dans l'église, voyez ça, vous amenez cela en plein dans l'église. Paragraphe 98, je suis paragraphe 52. Et quand vous amenez cela en plein dans l'église, où nous vivons aujourd'hui, dans nos groupes pentecôtistes, ils sont directement retournés à cela. Et ils font la chose même dont ils avaient été libérés. Voilà pourquoi certains croyants retombent dans les péchés du passé. À cause de la légèreté. Le manque de persévérance, l'inattention, la mégarde, n'importe quoi, ils font la chose même dont ils avaient été libérés. Cela montre qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Comme l'adage a dit, les chiens est retourné à ses vomissures et la truie l'a baissé votre encore dans la boue. Vous devez persévérer. Vous devez vous maintenir dans la victoire. Parmi les principes de la Bible, il y en a un dans Romains 12, verset 21. Et ne se laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous voyez la Bible, l'évangile, il y a beaucoup de vos résumés, bidon là. Arrêtez de nous ensorceler. On nous apprend à combattre. Oh, si quelqu'un se gagne là-bas, amen à biso. Vous voulez tout diluer, tout raccourcir. Et surtout les quinoa, ils aiment tout négocier. Message en Zambé, bakakola kango se. Yé bakango bongo. Bakakola ka parole te. Où n'y a qu'on négocie? Oh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Est-ce qu'il y a... Mais Dieu a parlé, c'est ce qu'il a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y a pas d'illuer les choses. Non, il y a quelque chose qui cloche là. Un remède contre le péché. Ça s'est introduit très facilement. Cela s'est glissé comme un lien. Comme le masque de la véritable religion de la Pentecôte. Comme sous le masque de la véritable religion de la Pentecôte. Les apparences. Mais si ça ne produit pas ce genre d'article, il ne produit pas ce genre de produit que Dieu attend. Il y a quelque chose qui cloche quelque part dans la chose même. Comment importeront peut-ils donner des melons? Question. Comment un citronnier peut-il produire des mangues? La question. Comment un potiron peut-il donner des melons? Il ne le peut pas. Comment une vigne peut-elle donner des pêches? Il ne donne pas cela. Si elle donne des pêches, c'est qu'il y a la vie d'une pêche dans la vigne. Et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui. Si l'Église peu importe combien elle confesse être que l'Église est Dieu vivant, si elle ne produit pas Dieu par le salut d'autres fois, si elle ne ramène pas les gens à un véritable salut de Dieu, cela constitue au milieu de la preuve que Dieu est parmi eux. Si l'Église peut produire Dieu par le même genre de salut que les saints autrefois recevaient, si l'Église qui s'appelle Église du Dieu vivant peut produire à nouveau, amener les âmes au véritable salut de Dieu, alors cela constitue parmi cette Église la preuve que Dieu est parmi eux. L'arbre Église de Dieu doit produire le salut de Dieu. Nous avons besoin des âmes sauvées. C'est ça le prix, la récompense de notre foi. Tous les biens de ce monde, tout ça, tu vas laisser ça quand tu mourras. Mais nous voulons le salut de vos âmes. C'est ça le prix de la foi du travail. Le salut de vos âmes. Dieu a dit que c'est ça le prix de votre foi. Et c'est ce que vous recevrez. Et pour y arriver, vous devez persévérer jusqu'à là. Ne soyez pas rétrograde. Vous voyez? Si l'Église, peu importe combien elle confesse être l'Église, si elle ne promit pas Dieu par le salut d'autres, si elle ne ramène pas les gens à un véritable salut de Dieu, et cela constitue parmi eux la preuve que Dieu est au milieu d'eux, si elle ne fait pas ça, alors elle n'est pas la bonne chose. Cette soi-disant église-là n'est pas la bonne chose. Elle ne produit pas la vie que Christ a dit qu'elle produirait. Elle doit conduire les âmes au véritable salut de Dieu. Elle doit produire la vie de Christ en son sein. C'est là que vous savez que cette église est la bonne. Amen. Amen. Elle devient une bonne chose alors. La meilleure compagnie africaine. Si vous aimez ça, que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Makelana, kolo Yesu, oyo, atapake, kolo. Etokena kosokola maso mona besa ekoke mona besa aman ekoke na kasa kola ma sa mona besa mona so so e akira oyo ya ma na na sa me bobele bele ma kira oyo ya ma na na sa me bobele ma kira oyo ya ma na na bambe Yesu mana na pate poko pela kinga poza lina goya lelo kolo gola mape ojale jale na goya lelo kolo gola mape poza lina goya lelo kolo gola mape na ye beta koza na kome mabato na ye peko na na le kolo na kome na ye so peko na peko na na le kolo na kome na ye so amen peko na na le kolo na kome na ye so. Prions chacun maintenant. Bonne nuit à mon corps, mon corps est tapé. Ote manangai etonde na e sengolelo jambi mokonde na lola abe ke sakenga jambi jambi mokonje na lula abe kisa kenga ama jambi mokonje na lula abe kisa kenga moye be a te pe la ki o mo na pa ki la yango ama le lo ma ki la e ku ki ko so ko la nga e o le lo e o ma ki la e Koso kolanga ye ama lelo make la e kuki Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Dieu parfait et incomparable, toi le roi de l'éternité, Dieu le roi de l'église de Dieu, Dieu le roi des saints, adoré parmi les anges, adoré parmi les séraphins, adoré par les chérubins, alors tu es un grand Dieu, la plénitude de puissance qui en gère les diversités. Nous réclamons notre part au plein de toi. Les pensions de puissance dans leur diversité. Qu'elle revienne dans l'église. Qu'elle anime l'église. Qu'elle fasse agir l'église. Comme autrefois. Alors que tu nous as avertis. Dans le jugement imminent. Et tu nous as avertis. Venue imminente du Messie par un grand signe prophétique, un ministère annoncé. Père, qui sommes-nous pour négliger? Nous devons prendre tout au sérieux. Brise la légèreté, Seigneur. Qui nous a avertis. Ta parole est inessentielle. Il doit être entretenu à l'intérieur. Jusqu'à devenir une arme d'Israël. Maintenant, oh Dieu, nous voulons que tu fasses nous cette arme dans les que notre Église soit cette arme salut. Comparable. Qui réplorit le salut. Qu'elle soit comme Christ, jouant le rôle de Christ, reproduisant la vie de Christ, reproduisant le salut de Dieu, reproduisant la sainteté de Dieu, reproduisant la piété, être comme Dieu. Exauce la prière de chacun. Aimons-nous, monde, nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas être des armes secs. Improductifs esprits. Nous ne voulons pas être des armes mortes. Mauvais et rejetables. Désapprouvés et tout. Mais nous réclamons d'être les bons armes. Dans la bonne semence de ta parole. Et nous donne l'identité de la foi. Oh Seigneur de miséricorde. Tu n'envoies pas ta vérité en vain. Que pour nous tailler, pour nous passionner, pour nous changer, opère-les maintenant, agis sur chacun de nous, opère dans l'église, transforme notre image, que chacun reçoive la portion de l'église. Nous t'appelons sur la terre pour nous chacun reçoive une visitation de Dieu. Nous t'appelons sur la terre au nom de Jésus. Utilisez tous ceux qui se consacrent à toi. Qui prennent leur cœur et leur vie. Qui se donnent tout entier à toi, Seigneur. Qui supprennent leur foi, maintenant. Prennent leur substance intérieure. Pardonnez et aimons-les cela. Produisent davantage de fruits. Que nous saluons de progrès en progrès. De progrès salutaire. Progrès. Père, Tata, nous t'appelons sur la scène. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu agis encore. Nous croyons que tu protèges. Nous croyons que tu délivres. Nous croyons que ton seul qui sauve. Exerce notre foi au combat. Exerce nos mains à la victoire. Nous voulons reproduire ton salut. Que cela aille auprès des autres. Que nous gagnions d'autres âmes. Que les perdus viennent dans ce sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Utilise tout ce que tu peux faire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement.